Bonjour. En composant ce numéro, vous venez d'enclencher le système d'explosion à retardement de votre combiné téléphonique. Après la mise à feu automatique signalée par un bip, vous aurez 20 secondes pour laisser vos dernières volontés. Gardez votre sang-froid.